Ésaïe chapitre 53. Qui est-ce qui a cru à notre prédication, et à qui est-ce qu'a été visible le bras de l'Éternel? Toutefois il est monté comme un rejeton devant lui, et comme une racine sortant d'une terre altérée, il n'y a en lui ni forme ni apparence, quand nous le regardons, il n'y a rien en lui à le voir, qui fasse que nous le désirions. Il est le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et nous avons comme caché notre visage arrière de lui, tant il était méprisé, et nous ne l'avons rien estimé. Mais il a porté nos langueurs, et il a chargé nos douleurs, et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu, et affligé. Or il était navré pour nos forfaits, et froissé pour nos iniquités, l'amende qui nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes détournés chacun en suivant son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun lui demande, et il en est affligé, toutefois il n'a point ouvert sa bouche, il a été mené à la boucherie comme un agneau, et comme une brebis muette devant celui qui la tond, et il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé de la force de l'angoisse et de la condamnation, mais qui racontera sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite pour le forfait de mon peuple. Or on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche en sa mort, car il n'avait point fait d'outrage, et il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Toutefois l'Éternel l'ayant voulu froisser, l'a mis en langueur. Après qu'il aura mis son âme en oblation pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il jouira du travail de son âme, et en sera rassasié, mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il aura livré son âme à la mort, qu'il aura été mis au rang des transgresseurs, et que lui-même aura porté les péchés de plusieurs, et qu'il aura intercédé pour les transgresseurs.